manque d'inspire. Les mots sortent seuls et ça te spire. Vas-y respire, si je suis derrière toi c'est pour prendre l'aspi. Le rap se gaspille comme ces jeunes à balles de pastille. Place de la Bastille, tous pour l'aspect du Ralspi. Ça me fait mal comme cet aspect qui demande le respect. Mais traîne avec des types qui la tournent là sous la despée. Mais tous pètent avec des pipes pour un frit de steak. Qu'est-ce que tu as testé, n'est-ce pas? Alors de quoi tel l'aspect? L'aspect d'une belle pute, genre femme d'inspecteur. Reine de la turlute qui se cale dans la chatte du secteur. Pendant que son cowboy de mari patrouille le secteur. Elle siffle le chien du voisin ou se tapera le facteur. Facteur, je le serai chaque mois au parloir. Nouvelle prison, nouveau décor, mais ces matons ne vont pas me voir. J'adoucis la peine d'un frère, je remplis les réservoirs. Du shit, la mort à l'enfer et une chambre prête à le revoir. Au revoir à tous ceux qui de la vie ont mangé le revers. À la mémoire Camille, ton visage laisse tous les beurs. À ceux que je vais pas voir, car la vie n'est pas avare d'erreur. Je sais à quoi ça sert maintenant que la mort ne soit plus d'erreur. D'erreur dans les yeux de ce gosse qui croise par erreur. Cet homme de 40 ans qui traîne l'enfance sous un seul pleureur. Et heure par heure, le drame d'une famille prend de l'ampleur. Moi je fais tourner le sang en pleurs pendant que cette mère, c'est Dieu qu'elle implore. Implorer, comme tous ces dieux qu'on a t'incorporer. Dans la vie de tous les jours, regarde, tu pourras tous les comparer. Pas un seul ne bouge, pas un seul ne montre son terrain. Et ça même à l'époque où le monde n'était encore qu'un seul terrain. Terrain vague, pas élagué ou crame les vagos. Pareil que là-bas ça fait plus que draguer à croire les ragots. Le ragot peut transformer n'importe quel verre en dragon. Une rumeur à un euro et un type peut jeter d'un wagon. Wagon de la mort, wagon de la honte. Là où s'entassent les corps, c'est le SS qui fait le décompte. Juste des comptes, mais quand la folie, la haine te contienne. Normal, ce soit un fou que tu soutiennes. Soutien, beaucoup en manque et la misère devient routine. La route tourne, mais pas dans le bon sens pour taper la fortune. La fortune a forcé pour porter le bon costume. L'homme se rue sur l'or et l'on chante un titre posthume. La thune fait tourner un monde malade d'amertume. On manque d'eau potable, l'homme prépare voyage pour Neptune. Ah, elle est belle la vie qu'on dit tu. Liberté, égalité, fraternité, je crois bien que c'est moi qui tube. Après la cuite, ça c'est une habitude. Mon lever de coude, car érodé comme un vrai une. Je traite cette vie de putain, je me dis sors de là, mais suis-je vraiment le plus à plaindre? D'autres à 11 ans sont déjà soldats. Soldats, c'est juste un pion sur l'échiquier. Un homme maqué, on dit fais ci, fais ça. Bah eux sont à châtier, sortez les mortiers. On a un monde à mettre en chantier. Et comme a dit le colonel, la guerre est un long sentier. Rempli de morts innocentes et on est centième. On plante la baïonnette pour être sûr de rentrer entier. J'ai dit pourquoi, on m'a dit retourne dans tes quartiers. La guerre c'est pas la fête, on fera tout pour que vous le regrettiez. Regrettez ce que vous auriez pu être, ce que vous étiez. Si jetez pas la fenêtre, continuez de trimer dans ce métier. Métier, trop de tes salaires font pitié. Je pisse sur le smith, tiens, comme Little Cat dans la litière. Mais qui t'es pour me dire de taf et comme une litière. J'aurais pas assez d'heures pour la traite que je serais déjà au cimetière. Comme ça je sais dit, je taperai les caisses de vos acédiques. Et sans deck, ça c'est une tâche pour laquelle je suis assidu. Assidu à l'école, mais ce mot ne m'évoque que lassitude. Assidu, ça fait comment je foutais la merde en classe d'études. Je faisais le beau, maintenant c'est sous mes yeux qu'elle passe l'étude. Au fond c'était peut-être pas pour moi cette fille, leur classe d'attitude. L'attitude d'un homme fait tout selon ses habitudes. Le respect n'est plus sur aucune de nos latitudes. Ayamati, demain c'est loin depuis cela. J'ai le shit hors du cello et de ma main j'écris demain c'est là.